130 livres, chronique du 17 avril 2020, Christophe au Théâtre Marigny, 28 janvier 2013. Le vent d'hiver aura bien soufflé en avril. Dans mes cartons, j'ai retrouvé ça. Puisque j'ai passé l'âge de ne pas assumer mes grands écarts musicaux en public, voici un compte-rendu du concert de Christophe auquel j'ai assisté hier soir au Théâtre Marigny. Oui, Christophe. 67 piges sous la toise, un riche passé de chanteur à minette, des décennies de branlotage de synthé nocturne, des rumeurs de cassage de gueule et d'enfants non reconnus avec Michel Thor, et un masque hiératique poli par les années qui lui confère une étrange ressemblance avec Feu Denis Hopper. Ça vous pose une tronche. Situé en bas des Champs-Élysées, Marigny n'est pas exactement un haut lieu de la scène underground industrielle post-punk, et hormis une poignée de jeunes branchés au top du snobisme, le public pourrait un peu rappeler celui de Shirley et Dino. Le théâtre est bondé, rappelons que son intime tour, seul en scène, dure un peu moins d'un mois. On ne l'imagine guère dans une salle plus grande, et l'ambiance 19e siècle, dorures et velours rouges, lui va plus que bien au teint. Alors que Christophe est littéralement au saut du lit vers 20h30, on peut s'inquiéter de sa ponctualité. Mais c'est à peine quelques minutes plus tard que sa voix monte des coulisses, souhaite à tous une année 2013 au top niveau, ce ne sera pas la seule touche surannée de la soirée, puis il introduit la première partie en disant qu'il aime bien. Il s'agit d'une pianiste branchée Chopin et Schubert, à peu près aussi délicate que l'ostéopathe nazi qui me dégoûtait un jour de sa profession. Mais elle est grande, jeune, blonde, pour tout dire assez superbe dans sa robe de cocktail rose pétard et ses sandales dorées, et joue sur ses atouts en saluant après chaque morceau. On ne saurait exclure que celui qui se désigna il y a 15-20 ans comme le dernier Bévilacqua pour ajouter à son mythe de dandy mélancolique, lire le dernier d'une lignée italo-française dont un autre représentant éminent gagna Paris-Roubaix au début du siècle dernier, continue en loose dé à tenter de planter la petite graine en des recoins dignes d'intérêt. Le voilà qui déboule sans cérémonie après une courte pause. La scène est d'une certaine sobriété, trois postes entre lesquels il alternera ses compositions, piano à queue, synthé, guitare, et lui, presque. Costard gris à revers brillant d'une largeur d'épaule rarement observée depuis 1989, Santiago assorti, ourlet orange bizarre à la jambe droite, inamovible lunette bleutée et son éternel casque blond qui cède un minimum de terrain à un début de tonsure. Comme il le dira après le beau bizarre et du pain et du laurier, joué très simplement au piano avec un gros effet sur la voix, le but du jeu sur cette tournée est d'accueillir le public chez lui, dans les conditions de ses innombrables veillées solitaires à la recherche de ce qui sonne bien. Christophe n'est pas exactement le technicien ultime et ce qu'il revendique est plutôt les heures, jours, mois et années passées à chercher le bon son et faire passer une émotion. Il faut reconnaître que la recette fonctionne plutôt bien. Ceux qui ont entendu Christophe s'exprimer récemment à la radio ou la télévision sont fondés à s'interroger sur ce qui reste de ses capacités de performeur d'antan. D'une part, sa diction saccadée rappelle de plus en plus la regrettée Françoise Sagan. D'autre part, perdu sur un plateau de télé, l'homme a désormais de vraies attitudes de vieux. L'œil interrogateur agrippé à son micro, angoissé par le timing, les lancements et les vannes des présentateurs à la mode. Le fait est que Daniel Bévilacqua est un vrai anxieux, un solitaire obsédé par le contrôle. Sur scène et dans un environnement qu'il maîtrise à 100%, la différence est saisissante et le crooner madré se pose là. La voix est claire et assurée, les quelques soliloques sont intentionnellement rigolos, et le pince-sans-rire y ajoute de jolies touches d'autodérision comme le « c'est bon, je suis autonome » au type venu l'aider à régler sa mythique chaise à son, siège à roulette auquel se fixe le micro, très supérieur au pied classique parce que le micro s'ajuste à moi et pas moi à lui, qui précède une démonstration à la limite du burlesque. Ou sa façon d'accentuer certains refrains de chansons qu'aiment les fans et qu'il ne renie pas, tout en suggérant qu'il a, lui, un peu avancé depuis 1975. Autre note sympathique, Christophe trinque avec la foule et pas qu'une fois, au Jack Daniel se servit dans un verre à pied dont il file une rasade à un type du premier rang. C'est donc dans de bonnes dispositions que le beau bizarre enchaîne les pièces anciennes et récentes de son répertoire, des roucoulades de yéyé aux expériences plus obscures post-80s, en alternant les interprétations piano, synthé et guitare. Il est sérieux comme un pape louqué, mise comme on l'a dit sur les purs et la qualité du son, triture ses compositions dans tous les sens possibles et s'en tient à des formats plutôt courts. Excepté sa chanson hommage à Enzo Ferrari, à grand renfort de samples de moteurs et de voix du maître, où il prend un plaisir plutôt solitaire, et la version finale du petit gars. On ne saurait nier que l'ensemble soit assez violemment anachronique, et qu'en y ajoutant le look particulier du personnage, l'expérience puisse facilement susciter plus d'un ricanement. Seulement, voilà. Sans que le public se mette à hurler ou à casser des chaises, à peine un vague tapage dans les mains sur Señorita et une timide reprise des refrains des plus gros tubes, la communion est là, et bien là, permise par la sincérité et la méticulosité absolue du drôle de bonhomme qui se dépouille le temps d'au moins 25 chansons. Foin de la ringardise, des bluettes, des santiagues et des pains occasionnels lors du rappel, dont l'animal s'excuse d'avance en reprenant des chansons choisies par le public. On imagine le côté périlleux de l'exercice chez un tel contrôle fric. Fric est bien le mot, tant Christophe est un putain d'ovni. Présent dans toutes les bonnes compiles qui tâchent des années 60, mais à des années-lumière des tournées à Ch'tendre et Tête de Bois. Drainant en branchitude bobo extrême et public populo périmé, conscient de ses limites, mais obsessionnel dans la recherche de sa propre forme de perfection. Un type qui veut juste exister et offrir de beaux moments, et franchement, ses reprises des Paradis perdus au synthé ou des Marionnettes et des mots bleus au piano attestent de sa vraie réussite. Des poils, des vrais, à en oublier que ce dernier titre est de Jean-Michel Jarre, même quand on était au courant. Moi aussi, je préfère la version de Bachung, mais c'est la chanson de Christophe. Et dessus, il est merveilleux.